Street Beat Show, Synchronique, Rudy Zone. C'est pour Rudy. Le lien entre la fiction et le réel. 9-3. Tueur en série. Le daron à l'accent de Berlusconi, des baffes de soprano Tony, est menacé avec la gestuelle de Polygol Jerry. Ma vie est plus triste que drôle. Pour baiser mon destin, je lui mets un sac poubelle sur la gueule à la Christian Droid. Les nouvelles séries Carry me parlent. Les héros, c'est des crapules de fous malades comme toi, comme moi. Qu'est-ce que tu me parles de Cendrillon avec sa virginité falche comme une paire d'Air Max Gucci au pouce? Je veux une femme avec le cerveau de Lynette Scavo avec la chute de rein de Gabriel Solis. La police tire gratos, nous tient sur leur insigne. Batman n'arrête pas les balles de ces sales bâtards. En sortant du studio, je peux manger une rafale d'une bac de Panam qui s'inspire de Pac-Man. Mon son est lourd comme Ricky Ross, mon mental incassable, c'est la de blanc avec des cuisses de négresse dans Rose. Trop vrai, trop franc pour garder des faux proches ou encore gratter une amitié pour une avance. Soldat sans grade, rap français s'accroche à ma poche comme T-Bag dans Prison Break. Fiction rime avec factice, dans le réel la violence est multipliée par 10. Tu dis identifié à qui? Marlon Brando, De Niro, Pacino, finis le show, éteins ton plasma et viens assumer ton rôle. Fiction rime avec factice, dans le réel la violence est multipliée par 10. Tu dis identifié à qui? Quand la street te rattrapera, les vrais shows te raconteront pas. Négro, tu pourras pas mettre pause. Y'a qu'un cubain plombé qui ressemble à Tony. En Seine-Saint-Denis, les types t'agressent dans Fla, les communes. C'est comme Brasco Tony, arrête tes salades de Tommy. Reste faire le canard chez ta pute devant Grace Anatomy. Ici y'a pas de Kamehameha, mais y'a de la camé de meurs, meurs, portel de merde. Nos vies, c'est des séries dramatiques vraies. Notre créateur, le scénariste, ne fait jamais grève. Bosse de la pègre dans tes rêves, tu te réveilleras avec une pastose dans tes reins, dur comme Paco réel. Y'a qu'en regardant Hitch que je rêve de rentrer dans l'écran sa mère pour sauter sur Eva Mendes. Les journalistes prennent 100 000 euros par mois pour te dégoûter de l'homme encore plus que tu l'es. J'aime les femmes, pas comme Scofield et Omar dans The Wire. Je casse des bras et laisse les connards d'MC chez le soigneur. Ma solidarité masculine reste à la cité, car pour offrir des roses à un homme, je dois attendre qu'il se fasse tuer. Fiction rime avec factice, dans le réel la violence est multipliée par 10. Tu dis identifié à qui? Marlon Brando, De Niro, Pacino, finis le show, éteins ton plasma et viens assumer ton rôle. Fiction rime avec factice, dans le réel la violence est multipliée par 10. Tu dis identifié à qui? Quand la street te rattrapera, les vrais shows te raconteront pas. Négro, tu pourras pas mettre pause. Fiction rime avec factice, dans le réel la violence est multipliée par 10. Tu dis identifié à qui? Marlon Brando, De Niro, Pacino, finis le show, éteins ton plasma et viens assumer ton rôle. Fiction rime avec factice, dans le réel la violence est multipliée par 10. Tu dis identifié à qui? Quand la street te rattrapera, les vrais shows te raconteront pas. Négro, tu pourras pas mettre pause.